Section 22 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 22. L'abbé Constantin. Par Ludovic Halévy de l'Académie française. Chapitre 5. Deuxième partie. On demanda sa main pour un jeune exilé qui, dans de certaines éventualités, pouvait être appelé à monter sur un trône, tout petit, mais sur un trône cependant. On demanda sa main pour un jeune duc qui ferait grande figure à la cour lorsque la France, et cela était inévitable, reconnaîtrait ses erreurs et s'inclinerait devant ses maîtres légitimes. On demanda sa main pour un jeune prince qui aurait sa place sur les marches du trône lorsque la France, et cela était inévitable, renouerait la chaîne des traditions napoléoniennes. On demanda sa main pour un jeune député républicain qui venait de débuter très brillamment à la Chambre et à qui l'avenir réservait les plus brillantes destinées, car la République était fondée maintenant en France sur des bases indestructibles. On demanda sa main pour un jeune Espagnol de la plus haute volée et on lui donna à entendre que la soirée de contrat aurait lieu dans le palais d'une reine qui ne demeure pas très loin de l'Arc de l'Étoile. On trouve d'ailleurs son adresse dans l'almanach bottin, car il y a des reines aujourd'hui qui ont leur adresse dans le bottin. Entre un notaire et un herboriste, il n'y a que les rois de France qui ne demeurent plus en France. On demanda sa main pour le fils d'un pair d'Angleterre et pour le fils d'un membre de la Chambre des seigneurs de Vienne, sa main pour le fils d'un banquier de Paris et pour le fils d'un ambassadeur de Russie, sa main pour un comte hongrois et pour un prince italien. Et aussi pour de braves petits jeunes gens qui n'étaient rien, n'avaient rien, ni nom ni fortune. Mais Bettina leur avait accordé un tour de valse, et se croyant irrésistibles, ils espéraient avoir fait battre son petit cœur. Rien jusqu'à présent ne l'avait fait battre, ce petit cœur, et la réponse pour tous avait été la même. Non, non, encore non, toujours non. Quelques jours après cette représentation d'Aïda, les deux sœurs avaient eu ensemble une assez longue conversation sur cette éternelle question de mariage. Certains noms avaient été prononcés par Madame Scott, qui avait provoqué de la part de Miss Percival le refus le plus énergique. Et Suzy, en riant, avait dit à sa sœur « Vous serez bien forcée cependant, Bettina ». De finir par vous marier. Oui, certainement, mais je serais si fâchée, Suzy, de me marier sans amour. Il me semble que pour me résoudre à une chose pareille, j'aurais besoin de me voir tout à fait en danger de mourir vieille fille. Et je n'en suis pas là. Non, pas encore. Attendons alors, attendons. Attendons. Mais parmi tous ces amoureux, que vous traînez après vous depuis un an, il y en avait de bien aimables, et il est vraiment un peu étrange qu'aucun d'eux. Aucun, ma Suzy, aucun, absolument. Pourquoi ne vous dirai-je pas la vérité? Est-ce leur faute? Ont-ils été maladroits? Auraient-ils pu, en s'y prenant mieux, trouver le chemin de mon cœur? Ou bien est-ce ma faute à moi? Ce chemin de mon cœur serait-il, par hasard, une vilaine route escarpée, rocailleuse, inaccessible, et par où personne jamais ne passera? Serais-je une méchante petite créature, sèche, froide, et condamnée à ne jamais aimer? Je ne crois pas. Ni moi non plus. Mais jusqu'à présent, cependant, voilà mon histoire. Non, je n'ai rien senti qui ressembla à de l'amour. Vous riez. Et pourquoi vous riez? Je le devine. Vous vous dites, Voyez donc cette petite qui a la prétention de savoir ce que c'est que d'aimer. Vous avez raison, je ne le sais pas, mais je m'en doute bien un peu. Aimer, n'est-ce pas, ma Suzy ? Préférer à tous et à toutes une certaine personne. Oui, c'est bien cela. N'est-ce pas ne pouvoir se lasser de voir cette personne et de l'entendre ? N'est-ce pas cesser de vivre quand elle n'est plus là, pour recommencer tout de suite à revivre dès qu'elle reparaît ? Oh, oh, c'est du grand amour cela. Eh bien, c'est l'amour que je rêve. Et c'est l'amour qui ne vient pas. Pas du tout jusqu'à présent. Et cependant, elle existe, la personne préférée par moi, à tous et à toutes. Savez-vous qui c'est ? Non, je ne le sais pas, mais je m'en doute bien un peu. Oui, c'est vous, ma chérie. Et c'est peut-être vous, méchante sœur, qui me rendez à ce point insensible et cruelle. Je vous aime trop. Complet, mon cœur. Vous l'avez pris tout entier. Il n'y a plus de place pour personne. Vous préférez quelqu'un ? Aimer plus que vous ? Je n'en viendrai jamais à bout. Oh que si ! Oh que non ! Aimer autrement peut-être. Mais plus ? Non. Qu'il ne compte pas là-dessus. Ce monsieur que j'attends et qui n'arrive pas. Ne craignez rien, ma Betty. Il y aura place dans votre cœur pour tous ceux que vous devez aimer. Pour votre mari, pour vos enfants, et cela sans que j'y perde rien, moi, votre vieille sœur. C'est tout petit le cœur, et c'est très grand. Bettina tendrement embrassa sa sœur, puis restant là, câline, la tête sur l'épaule de Suzy. Si, cependant, cela vous ennuyait de me garder ici, près de vous, si vous aviez hâte de vous débarrasser de moi, « Savez-vous ce que je ferai ? Je mettrai dans une corbeille les noms de deux de ces messieurs et je tirerai au sort. Il y en a deux qui, à la rigueur, ne me seraient pas absolument désagréables. Lesquels deux ? Cherchez. Le prince Romanelli ? Et d'un ? À l'autre ? Monsieur de Montesson ? Et de deux ? C'est cela même, oui. » Ces deux-là seraient acceptables, mais seulement acceptables, et ce n'est pas assez. Voilà pourquoi Bettina attendait avec une extrême impatience le jour du départ et de l'installation à Longueval. Elle se sentait un peu lasse de tant de plaisirs, de tant de succès et de tant de demandes en mariage. Le tourbillon parisien, dès son arrivée, l'avait prise, et pour ne plus la lâcher, pas une heure de halte, ni de repos. Elle éprouvait le besoin d'être livrée à elle-même, à elle seule, pendant quelques jours au moins, de se consulter et de s'interroger à loisir, dans la pleine tranquillité et dans la pleine solitude de la campagne, de s'appartenir enfin. Aussi Bettina était-elle toute guillerette et toute joyeuse en montant le 14 juin à midi dans le train qui devait la conduire à Longueval, dès qu'elle se vit seule dans un coupé avec sa sœur. « Ah ! S'écria-t-elle, que je suis contente ! Respirons un peu, en tête à tête, avec vous pendant 10 jours, car les Norton et les Turner ne viennent que le 25, n'est-ce pas ? Oui, seulement le 25. Nous allons passer notre vie à cheval, en voiture, dans les bois, dans les champs, 10 jours de liberté. Et pendant ces 10 jours, plus d'amoureux, plus d'amoureux. Et tous ces amoureux, de quoi, mon Dieu, étaient-ils amoureux ? De moi ou de mon argent ? Le voilà le mystère, l'impénétrable mystère. La machine siffla, le train s'ébranla lentement. Une idée un peu folle passa par la tête de Bettina. Elle se pencha par la portière et s'écria, en accompagnant ses paroles d'un petit salut de la main, « Adieu, mes amoureux, adieu !» Puis elle se rejeta brusquement dans un coin du coupé, prise d'un accès de fou rire. « Oh, Suzy, Suzy ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un homme avec un drapeau rouge à la main. Il m'a vu, il m'a entendu. Et il a eu l'air si étonné. Vous êtes si déraisonnable. Oui, c'est vrai, d'avoir ainsi crié par la portière. Mais pas d'être heureuse, de penser que nous allons vivre seules, toutes les deux, en garçon. Seules, seules, pas tant que cela. Nous avons pour commencer deux personnes ce soir à dîner. Ah, c'est vrai. Mais ces deux personnes-là, je ne serais pas du tout fâchée de les revoir. Oui, je serais très contente de revoir le vieux curé, et surtout le jeune officier. Comment, surtout ? Certainement, parce que c'était si touchant ce que ce notaire de Souvigny nous a raconté l'autre jour. C'est si bien ce qu'il a fait ce grand artilleur quand il était tout petit. Si bien, si bien, si bien que je chercherai ce soir une occasion de lui dire ce que j'en pense, et je la trouverai. Puis Bettina, changeant brusquement le cours de la conversation. On a bien envoyé la dépêche télégraphique à Edward, hier, pour les poneys. Oui, hier, avant le dîner. Oh, vous me laisserez les conduire jusqu'au château. Cela m'amusera, tant de traverser la ville et de faire une belle entrée arrondie, sans ralentir, dans la cour devant le perron. Dites, vous voulez bien ? Oui, oui, c'est entendu. Vous conduirez les poneys. Ah, que vous êtes gentille, ma Suzy. Edwards, c'était le piqueur. Il était arrivé depuis 3 jours au château pour l'installation des écuries et l'organisation du service. Il daigna venir lui-même au-devant de Madame Scott et de Miss Percival. Il amena les 4 poneys attelés sur le duc. Il attendait dans la cour de la gare et en nombreuse compagnie. On peut dire que tout Souvigny était là. Le passage de poneys à travers la grande rue de la ville avait fait sensation. Les habitants s'étaient précipités hors de leur maison et s'interrogeant avidement. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » se disait-il. « Qu'est-ce que c'est ?» Quelques personnes avaient hasardé cette opinion. Un cirque ambulant peut-être. Mais de toutes parts, on s'était récrié. Vous n'avez donc pas vu comme c'était tenu ? Et la voiture ? Et les harnais qui brillaient comme de l'or ? Et les petits chevaux avec leur rose blanche de chaque côté de la tête ? La foule s'était entassée dans la cour de la gare. Et les curieux, alors, avaient appris qu'ils allaient avoir l'honneur d'assister à l'arrivée des châtelaines de Longueval. Il y eut un certain désenchantement quand les deux sœurs se montrèrent, fort jolies, mais fort simples, dans leur costume de voyage. Les braves gens s'attendaient un peu à l'apparition de 2 princesses de féerie, vêtues de soie et de brocart, étincelantes, de rubis et de diamants. Mais ils ouvrirent de grands yeux quand ils virent Bettina faire lentement le tour des 4 poneys, en les caressant, l'un après l'autre, légèrement de la main et en examinant d'un air entendu les détails de l'attelage. Il ne déplaisait pas à Bettina, force est bien de le reconnaître, de faire un certain effet sur cette foule de bourgeois ébahis. Sa petite revue passée, Bettina, sans trop se hâter, ôta ses longs gants de Suède et les remplaça par de gros gants de peau de daim pris dans la pochette du tablier de la voiture. Puis elle se glissa en quelque sorte sur le siège, à la place d'Edwards, en recevant de lui les rênes et le fouet avec une extrême dextérité, et sans que les chevaux, fort excités, eussent eu le temps de s'apercevoir du changement de main. Madame Scott s'assit à côté de sa sœur. Les poneys piétinaient, dansaient, menaçaient de pointer. « Mademoiselle fera attention, » dit Edward. « Les poneys sont très en l'air aujourd'hui. »« N'ayez pas peur, » répondit Bettina. « Je les connais. » Miss Percival avait la main à la fois très ferme, très légère et très juste. Elle compta les poneys pendant quelques instants, les forçant à se tenir bien à leur place dans le rang. Puis, enveloppant les deux chevaux de pointe d'une double et longue ondulation de son fouet, elle enleva son petit attelage d'un seul coup, avec une incomparable virtuosité, et sortit magistralement de la cour de la gare, au milieu d'un long murmure d'étonnement et d'admiration. Le trot des quatre poneys sonnait sur les petits pavés pointus de Souvigny. Bettina, jusqu'à la sortie de la ville, leur fit garder une allure un peu serrée. Mais dès qu'elle aperçut devant elle 2 kilomètres de grande route, sans montée ni descente, elle laissa les poneys se mettre progressivement dans leur train. Et ils avaient un train d'enfer. « Oh, comme je suis heureuse, Suzy !» s'écria-t-elle. « Allons-nous trotter et galoper toute seule sur ces routes-là. Voudrez-vous, Suzy, conduire les poneys ? C'est un tel plaisir quand on peut ainsi leur permettre de marcher. Ils sont si allants et si sages. Tenez, prenez les rênes. Non, gardez-les. Cela m'amuse plus de vous voir vous amuser. Oh, quant à m'amuser, je m'amuse. J'aime tant cela. Mener à 4, avec de l'espace pour courir. À Paris même, le matin, je n'osais plus. On me regardait trop. Cela me gênait. Et ici, personne. Personne. » Au moment où Bettina, déjà un peu grisée de grand air et de liberté, lançait triomphalement ses 3 « Personne, personne, personne », un cavalier se montrait, s'avançant au pas à la rencontre de la voiture. C'était Paul de la Verdaine. Il faisait là le guet, depuis 1 heure, pour avoir le plaisir de voir passer les Américaines. « Vous vous trompez, » dit Suzy à Bettina. « Voici quelqu'un. » « Un paysan, ça ne compte pas, les paysans. Ça ne demande pas ma main. » « Ce n'est pas du tout un paysan, regardez. » Paul de la Verdaine, en passant à côté de la voiture, fit aux 2 sœurs un salut de la plus haute correction et qui sentait tout à fait son parisien. Les poneys couraient si vite que la rencontre eut la rapidité d'un éclair. Bettina s'écria « Qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui vient de nous saluer ? J'ai eu à peine le temps de le voir, mais il me semble bien que je le connais. Vous le connaissez ? Oui, je parierais que je l'ai vu cet hiver chez moi. Mon Dieu, serait-ce un des 34 ? Est-ce que cela va encore recommencer ? Fin de la section 22, lue par Margot.